بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اليوم سنكمل هذه الخاتمة. ففي درس أمس الشيخ بينا واجب عن ثلاث أسئلة et il expliquait al-Sha'ira, l'origine vient de qui? Abu al-Hasan al-Sha'ira, Ali ibn Ismail. علي بن إسماعيل وذكر أن حياته ثلاث مراحل. ثلاث مراحل. سي كو لا بروميير؟ المعتزلي. ثم بين يعني ترك بعض الأشياء المعتزلة و أخذ بعض هنا يعني أسس يعني مذهبه. والمرحلة الأخيرة أهل السنة والجماعة. نعم. دونك أون فغي سي سابارونت أ لوي. Ne s'apparente pas à lui car il n'était plus de ce mazhab là à la fin de sa vie. L'insan, on lui attribue ce sur quoi il est mort. طيب نواصل الآن. قال فإن قال قائل هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم. Donc il a dit, si quelqu'un dit est-ce que vous rendez mécréants les gens du ta'wil ou vous les rendez pervers. قلنا الحكم بتكفير وتفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة فيجب التثبت فيه غاية التثبت فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. التكفير تفسيق ça ne revient pas à nous, c'est pas de nous-mêmes qu'on le fait, c'est on le fait par rapport au kitab wa sunna. Celui qui mérite cela par rapport à un dalil, on lui attribue ce jugement-là. Donc il faut faire attention, il faut bien vérifier. Al-aslu fil muslim al-zahir al-adala baqa islamihi wa baqa adalatihi hatta yatahakkak zawal zalika anhu bimuqtada al-dalil al-shad'i wa la yajuzu tasahul fi takfirihi aw tafsiqihi lianna fi zalika mahzurain azimain. C'est-à-dire la base, là, une bonne condition, la base dans le muslim. Bon, l'apparence, voyez, l'apparence c'est la droiture, il y a Adala qui est juste, alors on juge selon l'apparence. Parce que tu as des gens, ils ont fait une règle que le Hosh le Muslim directement c'est que c'est la Adala. On dit non. Le Hosh le Muslim c'est qu'on prend ce qu'il nous laisse apparaître. On le prend comme il nous laisse apparaître. Et là, il a bien dit, celui dont l'apparence c'est la Adala, ça veut dire tu le vois en apparence, c'est le Moustaqim. Il n'a pas de signe de désobéissance ou quoi, l'apparence c'est que le Moustaqim. Donc ça c'est important. Donc la base, c'est que c'est le musulman, il est sur la adala. Donc on ne peut l'en sortir si ce n'est avec un dalil. Car cela amène à deux grands dangers. Ahaduhuma iftira al-kazib al-Allahi ta'ala fil hukm wa al-mahkum alayhi fil wasf al-lazi nazzahu bihi. Donc première chose, c'est le fait de mentir sur Allah en émettant un jugement. Et également, c'est une offense envers celui sur qui tu portes un jugement. Car il se peut que Allah azawajal ne lui ait pas attribué cela. Athani al-wuku fi ma نبذ به أخاه إن كان سالما منه. ففي الصحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر رجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وفي رواية إن كان كما قال ولا رجعت عليه. Donc cela peut également se retourner contre lui, comme dans le hadith qui est venu. Si avec son frère est innocent de ce dont il accuse, comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si l'un d'entre eux, en mécrivant son frère, alors l'un des deux, quand même, l'est. Et dans une version, soit il est comme l'accusateur l'a dit, ou soit alors cette accusation revient sur lui. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'autre devient kafir pour autant, mais il prend la critique et revient contre lui, en fait. Et le péché revient sur lui. Il y a des ta'ouïl qui ont été faits dans ce hadith-là. وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حرى عليه. Dans le même sens, Abu Dhar, que le Nabi صلى الله عليه وسلم, il a dit, celui qui attribue le kufr à une personne ou qui le traite d'ennemi d'Allah عز وجل, soit il est comme ça ou soit alors cela revient sur lui. وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين. Donc avant de faire cela, de la sorte de juger le musulman, la kufr ou le fisc, il faut regarder deux choses. Il y a des dawabit, il y a des normes. أحدهما دلالة الكتاب والسنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق. Première chose, être sûr que les preuves du kitab de la sunna toi-même juge sur cet acte ou cette parole que c'est du kufr ou du fisq. Promenil. C'est pas de ta tête, tu dis ça, c'est du kufr, alors que de toute façon, ça n'en est pas. Ou غير ذلك. الثاني انتباك هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو تصفيق في حقه وتنتفي الموانع. Donc après, être sûr que ce jugement-là s'applique sur celui qui a dit cette parole-là en particulier ou celui qui agit de la sorte en particulier du fait que tu remplis toutes les conditions du takfir ou tafsiq et que également les empêchements sont absents. Les choses qui empêchent d'appliquer ce jugement-là sont absentes. ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا لقول الله تعالى ومن يشكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Donc déjà, parmi les شروط, que la personne sache qu'est-ce que cela fait, c'est une mukhalafa. Il sait que ce qu'il fait, c'est interdit ou autre. Comme le prouve la parole d'Allah Azza wa Jalla dans le sens où il dit, et celui qui fait scission avec le messager après que la vérité lui soit parvenue, d'accord, et qui suit une voie autre que celle des croyants, alors nous le détournerons et nous le guiderons vers l'enfer avec une mauvaise destination. Donc il avait dit, Mim ba'di ma tabayyana al-huda. Wa qala Azza wa Jalla, wa ma kana Allah yudillakum min ba'di hidahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun, inna Allah bi kulli shay'in 'alim. Ila akhir al-ayah. Que Allah n'est pas tel à égarer un peuple après qu'il les ait guidés, jusqu'à ce qu'il leur montre, d'accord, l'erreur qu'ils ont commis. Et que Allah est savant de toutes choses. ولهذا قال أهل العلم لا يكفر جاهد الفرائض إن كان حديث العهد أو حديث عهد بالإسلام حتى يبين له. Les gens du ilm disent que on ne rend pas mécréant, par exemple, quelqu'un qui renie ou refuse une obligation si jamais c'est un nouveau entré en islam. D'accord, c'est un nouveau entrant en l'islam. ومن الموانع أن يكون ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه ولذلك صور. Également que ce kufr ou ce fisq se produise sans qu'il ne l'ait voulu. Exemple, منها أن يكره على ذلك فيفعله للداعي للكراه لا إطمئنانا به فلا يكفر حينئذ لقول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكرهها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Donc en premier lieu, s'il a été contraint à faire ce qu'il a fait, il n'a pas fait de lui-même ou par plaisir ou quoi, il a été contraint, mais une vraie contrainte à légiférer, parce que la contrainte elle-même a des choses. Ce n'est pas toute chose qu'on te force à faire qui est une contrainte. Il y a des choses, tu peux dire non, je ne le fais pas. Il y a des choses, là, lui, il ne rentre pas en sujet, il parle de la contrainte, celle qui est prise en compte. Quand dans le verset, dans le sens où il dit que celui qui mécroit en Allah, après qu'il eut la foi, c'est-à-dire qu'il lui aura un châtiment douloureux, à part celui qui aura été contraint de dire une parole de kufr, faire du kufr. Alors que son cœur est plein de foi, plein de iman. Ceux-là sont pardonnés. Wa minha an yughallaq alayhi fikruhu fala yadri ma yaqul li shiddat farah aw huzn aw khawf wa nahwa dhalika. Ou qu'il perde la raison. Ils ne se rendent plus compte de ce qu'ils disent. Tellement il est content, ou qu'il est triste, ou qu'il a peur. Ils disent une parole sans s'en rendre compte. وَدَلِيلُهُ مَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهِ لَلَّهِ أَشَدُّ فَرْحًا مِنْ تَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاحٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهِ طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فأيس منها فأتى شجرة فاتجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما وكذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفراح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفراح. Donc le hadith, c'est que la preuve, c'est le hadith le Nabi s'assume que Allah est plus content de la tauba de son serviteur, ce qui fait tauba, que l'un d'entre vous qui était sur sa monture dans une terre déserte, qui a perdu sa monture et qui avait toute sa nourriture et sa boisson et qui avait désespéré de la trouver. Donc il s'est allongé pour attendre la mort et d'un seul coup il voit sa monture qui apparaît. Donc tellement il est heureux qu'il dit « Oh Allah, tu es mon serviteur, je suis ton Seigneur. » Il a voulu dire le contraire. Ça arrive, des fois tu dis une chose, tu n'en as pas rendu compte. Donc « Hadha mayur kama alik » bila shak. Quand les shirils al-Taymiyyah, majmou al-Fatawa, أما التكفير فصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأه. Il dit que la vérité par rapport au takfir, c'est que celui qui fait un ijtihad parmi les mujtahidin, évidemment, de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui veut la vérité et qui se trompe, on ne le rend pas mécréant pour son erreur, mais on lui pardonne son erreur. وَمِنْ مَنْ تَبَيَّنَ لَهُ مَا جَاءَهُ بِهِ الرَّسُولُ فَشَاقَ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَاتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فَهُوَ كَافِرٌ. Par contre, celui à qui la vérité est apparue, mais malgré tout cela, il fait scission avec le messager, alors lui, d'accord, il s'est rendu kafir. Celui qui a fait du kufr, on parle. Hein. Car ce n'est pas toute mukhalafa qui a appris qu'un kufr. وَمَنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَسَّرَ فِي طَلَبِ الْحَقِّ وَتَكَلَّمَ بِالْعِلْمِ فَهُوَ عَاصٍ مُذْنِبٌ ثُمَّ قَدْ يَكُونُ فَاسِقًا وَقَدْ يَكُونُ لَهُ حَسَنَاتٌ تُرَجِّحُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ. Maintenant, celui qui suit ses passions et qui était négligent dans la recherche de la vérité et qui a parlé sans science, il a parlé comme ça, comme beaucoup ils le font. Ils rentrent dans des situations, ils n'ont pas étudié la situation et ils parlent comme ça. Lui, il est désobéissant, il a commis un péché et il se peut qu'il soit un fasiq pour ce qu'il a fait. Et il se peut également qu'il ait des hasanat, plus de bonnes actions, qui l'emportent sur ses mauvaises. Et il dit également, toujours dans le même jour le fatawa, « هذا مع أني دائما من جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين للتكفير أو تفسيق أو ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة برسالي الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعصيا أخرى. » Et il dit, et malgré cela, les gens qui m'ont fréquenté, qui me connaissent, savent que je suis parmi les gens les plus stricts quant au fait de rendre mécréants les gens ou de les rendre faussaires. D'accord ? Hormis une personne ou désobéissant, hormis une personne à qui la preuve a été donnée, tirée de la risala, du message, et qui s'est obstiné et qui l'a enfreint délibérément. Alors lui peut être soit mécréant, soit fasiq ou autre. وإني أكرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية والقولية والمسائل العملية وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. Et que Allah a pardonné justement cette umma ses erreurs de façon générale. Donc cela englobe les erreurs dans les choses tirées des informations ou celles des paroles ou celles des actes. Et que les salafs justement, ont souvent divergé dans ce genre de masail, et on n'a entendu personne rendre mécréant l'autre, ou rendre pervers l'autre, ou rendre désobéissant. Et il fait allusion à qui là ? Aux mujtahidin, qui eux cherchent la vérité, bien évidemment. Donc c'est pas tout relève qui amène un takfir. Car si tu as trouvé chez des ulama des paroles, tu dis, mais c'est du kouf ça, ou c'est une chose qui est grave, et pourtant il n'a pas eu de hukm sur le alim. Donc les ulama ils savent pourquoi c'est pas arrivé. Et d'autres fois, ça a été. Des fois ils ont eu des paroles de bida, ils ont été sur une bida, ils n'ont pas été rendus mujtadira. Est-ce qu'il y a des shurut, il y a des mawani'a. Et d'où ça a été fait. Wa zakara amsilat thumma qala wa kuntu ubayyin anna man naqala nuqila 'an as-salaf wal a'immah min itlaq al-qawl bit-takfir man yaqulu kadha wa kadha fa huwa aydha haqq walakin najibu tafriq bayna itlaq wa at-ta'yin illa an qala wat-takfir huwa min al-wa'id. وأنه إن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن قد يكون رجل حديث وحد الإسلام أو نشأ ببادية بعيدة مثل هذا يكفر بالجهد وبالجهد ما يجهده حتى تقوم عليه الحجة. Donc il dit également parmi les exemples de cela, Cheikh Al-Islam toujours dit qu'il faut différencier entre le fait que lorsque les imams, ils disent celui qui fait telle chose, c'est un kafir. D'accord ? Celui qui fait telle chose, c'est un kafir. Et entre le fait de l'appliquer sur quelqu'un, il y a une différence entre le hukm wasfi, c'est-à-dire tu fais un jugement d'une description, celui qui fait telle chose, il est comme ça, c'est une parole générale, sans, et le fait de désigner quelqu'un. C'est pas la même chose. C'est pas tout hukm que tu verras maintenant dans le Coran, t'aimt, que tu vois qu'il y a un ta'mim, man fa'ala kaza, ism shart, ça rentre dans les alfaz al-umum, comme on l'expliquait. Après, il y a un hukm derrière, que tu l'appliques obligatoirement sur n'importe qui comme ça à l'atoul. C'est pas pareil. Par contre, celui qui dément le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, délibérément, lui sera kafir. Hormis quelqu'un, mathalen, qui peut être nouveau en islam, comme il le cite, ou qui, dans une contrée qui est lointaine, il connaît pas. D'accord ? Donc lui, on ne le kafare pas. Parce qu'il a fait, jusqu'à ce que l'argument, que la preuve lui soit donnée. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص او سمعها ولم تثبت عنده او عارضها عنده معارض اخر او جاب تاويلها وان كان مخطئا ou il se peut que ce soit une personne qui a entendu un texte ou plutôt qui n'a pas entendu le texte, d'accord, ou alors qu'il a entendu mais ce texte pour lui n'est pas authentique, ou alors que ce texte, il y a une chose qui a fait entrer avant tout ce texte qui fait que il a été amené à faire un taouil de ce texte. Il a dit, même si dans l'erreur, on n'appelle pas sur le jugement tant que la preuve ne l'a pas été établie que cette erreur-là, elle est fausse. Tamam ? Là, c'est parmi les choses qui font masalène que des gens comme Ibn Hajar ou Ibn Nawawi, comme les ulama le disent, n'ont pas été baddar du fait qu'ils sont tombés dans l'aqida, la sha'ira, dans les asma wa sifat. Ils disent que, eux, l'argument, à leur époque, c'était ça le mazhab qui était muntashir, à leur époque. D'accord ? Parmi les excuses qui leur ont été données. Et qu'également, eux, ils ont été connus pour être des gens qui cherchaient la vérité, qui étaient des conseillers et qui étaient des gens qui étaient investis pour servir la religion. Et d'autres ulémas qui ont fait des grandes erreurs, ils ont été excusés pour ce genre d'excuses ou d'autres. Mais c'est pas tout le monde, bien évidemment. Wa kuntu dayman azkur al-hadith allazi fi sahihayn fi ar-rajul allazi qala idha ana mittu fa ahriquni thumma ishaquni thumma dharuni fi al-yam. فوالله لئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا ما عذبه احدا من العالمين ففعلوا به ذلك فقال الله تعالى وما حملك على ما فعلت قال خشيتك فغفر له. Je cite souvent le hadith qui est venu dans les deux sahih de cet homme qui a dit à ses fils, si jamais je meurs, alors brûlez-moi, incinérez-moi et jetez-moi, c'est-à-dire avec le vent, que mes cendres s'éparpillent dans la mer. Car si jamais j'arrivais à comprendre devant Allah Azzawajal, il me châtiera d'un châtiment dont il n'a jamais châtié personne. Donc ils ont fait cela, ses fils ont agi de la sorte. Et après Allah, ce qu'Allah a dit, il l'a ramené à lui, il lui a dit, pourquoi tu as fait cela? Il a dit, par peur de toi, par crainte de toi. Donc Allah lui a pardonné. Et ça, les ulémas prennent le uzb al-jahl biad al-hadith, l'excuse par ignorance, dans certaines situations, pas dans toutes, avec ce hadith-là. Fada rajulun shak fi kudratillahi ta'ala fi i'alatihi إذا ضرب يعتقد أنه لا يعد وهذا كفر باتفاق المسلمين لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. Donc il a dit quoi, cet homme là a douté de la capacité d'Allah à pouvoir le ramener à la vie. Tamam. Bel, il a même eu pour croyance qu'il ne reviendra pas. Donc cela c'est du kufr avec ijma des musulmans sans aucun doute. Mais cet homme là était ignorant de cela. Mais il était croyant du fait qu'il avait peur d'Allah Azzawajal qui le châtie pour ce qu'il a fait. Donc cette peur-là n'est que la peur d'un croyant, donc Allah l'a pardonné pour cette peur-là. Wal muta'awwil min ahli al-ijtihad al-haris ala mutaba'ati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam awla bil maghfira min hadha. Donc celui qui fait le ta'wil parmi les gens de l'ijtihad et qui cherche la vérité, qui cherche à suivre la sunnah, lui est encore plus en droit à ce qu'on lui pardonne que cet homme-là qui a fait cela. وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل وليس كل قول او فعل يكون فسقا او كفرا يحكم على قائله او فاعله بذلك. Donc là on a la différence qui est entre la parole et celui qui dit la parole, et l'acte et celui qui commet l'acte, et ce n'est pas toute parole ou tout acte qui est forcément du kufr ou du fisc qu'on applique sur celui qui l'a dit ou celui qui l'a fait. ليس بلازم هذا. Et ça, c'est parmi justement les choses qui khalafent les takfiriyins, qui eux appliquent le kufr à toute personne qui aura fait mesalan du kufr, et leurs petits frères, qui sont qui? La haddadiyya, la vraie haddadiyya, les gens du roulou, qui exagèrent, qui eux, mesalan, parmi leurs vrais fondements, parce qu'on leur a attribué comme ça, que eux, toute personne qui tombe dans la bid'a, qu'est-ce qu'ils font? Ils le badda. Ils cherchent pas à savoir s'ils excusent ou pas. Tout de suite, ils le badda. Ils ont du roulou là-dessus. Ça, c'est vraiment les choses. Haddadiyya, là-bas, c'est quoi leur chose? C'est le roulou. C'est filkat le roulou. Toute personne qui fait une erreur, quand même, il le blâme pour l'erreur. Et celui qui badda par le moutadir, il le badda aussi. Il faut comme le noir qui est de l'islam, mais dans la bida. Tu ne rends pas fou le moutadir, t'es un moutadir comme lui alors. Donc là, ils arrivent à badda tout le monde au final. Aujourd'hui, tu vois des gens appliquer diafolim sa haddadiyya alors que c'est un gros moumayya. il est là, il défend les Hizbi, il défend les, même les Khawarij, je ne sais quoi. Il est proche dans la bidar, mais comme il parle pas, comme il n'aime pas Sheikh Antel, il dit c'est Haddadi tout de suite. Il ne sait pas ça Haddadi. Foulen c'est Moumaïa. C'est un équifié, c'est quelqu'un, il défend les gens de la bidar. Le Haddadi, il va dire Moumtadir tout de suite. Il ne va pas rigoler avec ça. Et lui, il les défend. Bien sûr que le vrai Haddadi va le battre tout de suite celui-là. Donc ça, c'est pas Haddadi. Bien qu'il peut avoir des sifats du Haddadi, mais dire c'est Haddadi comme les gens le font, car aujourd'hui c'est devenu le Tabdir à la mode. Dès que tu parles sur un savant qu'ils aiment, t'as Haddadi tout de suite. Tout de suite, tu deviens Haddadi. Donc on va leur dire, bah, les gens de la bidar, c'est quoi leur, parmi leurs caractéristiques? Qu'ils s'en prennent aujourd'hui hadith. Bah, tous les Moutadias, c'est les Haddadi, alors pour montrer logique. Haddadi là-bas, c'est les Adbar de Mahmoud al-Haddad. C'est un contemporain. Et Mahmoud al-Haddad, il avait du rouleau. Et le rouleau, c'est pas une chose nouvelle. Les Khawarij, ils avaient du rouleau aussi. Et tous les Moutadias, ils ont du rouleau. Et ils ont pas de tabia. Ils défendent les gens du faux avec des règles. Et ils s'en prennent les gens du vrai avec de la shidda. Ils ont tous cela. Mais après, t'en as, ça a pris le dessus sur d'autres. Et ainsi de suite. Donc les gens n'ont pas compris cela. Haddadi, pour eux, c'est devenu, on dit, bah, je sais pas. Bah, ça a vu ce qu'on disait tout à l'heure. Ils parlent sans science. Ils se lancent dans des choses ijtihadi à eux-mêmes, Fulm Sahaddadi sans science. Et bien ces gens-là, ils prennent le péché. D'accord? Parce qu'on leur a dit, personne ne leur a imposé de dire Fulm Sahaddadi, Fulm Sahaddadi. Personne. Et la Haddadi, ils ne l'ont pas comprise. Qal, donc toujours chez l'islam, après il cite. Wa aslu dhalika anna maqalat allati hiya kufru bil kitab wa sunna wa lijma' yuqalu. هي كفر قولا يطلق كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية فإن الإيمان من الأحكام المتلقة من الأحكام المتلقة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك مما يحكم فيه يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم. Donc ce genre de choses là, takfir, le tafsir, même le tabdir qui rentre dedans également, en fait, en novateur, c'est des choses qui reviennent avec des adillah. Ce n'est pas tout le monde de le faire. D'accord? Il faut des adilets pour faire ce que tu fais là. Des preuves. Sinon, c'est un beb. Aujourd'hui, il n'y a plus de musulmans et il n'y aura plus de sunnis, il n'y aura plus personne. Donc, ce n'est pas avec tes passions ou avec tes pensées, tes opinions que tu fais cela. Voilà, Djibou, un yurkam, fi kouli sharsin, kouala zalika benou kafir, hatta yathbout, fi haqqi shurut et takfir, watantafi mawani'u. Misliman kouala, in el khaml, ou el riba halal, li kurbi hadihi bil islam. لنشوئه في بادية بعيدة أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن الكريم ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قالها. Donc également, on ne peut pas attribuer le jugement de kouf sur toute personne tant qu'on n'a pas réuni les chouroutes ou que les empêchements n'ont pas été absents. Comme Mathalen, des gens qui diraient que le khamr, l'alcool, ou le riba, c'est halal, du fait que c'est quelqu'un qui est nouveau en islam. Ou qu'il a également grandi dans une contrée lointaine et ne connaît pas cela. Ou qu'il a entendu une parole, qu'il a blâmée, ne sachant pas que cette parole-là, elle provient du kitab de la sunna, comme ce fut le cas des salafs, même chez les sahabas. Les sahabas ont fait des choses, ils ont blâmé, et des gens, ils ont dit, Nabi sallam, qu'on les a alika. Kamakad Aisha. Elle, j'altumuna, Miss le Himar, ou al-Kabl Aswad, lorsque quelqu'un lui a dit que la femme, elle coupe la salate. Elle a dit, avez-vous fait de nous des ânes et des chiens noirs? Après, elle a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, faisait salate, et j'étais devant lui. Donc, elle a fait un inkar de ce hadith, pour une chose qu'elle avait. Mais la différence qu'il y a dans ce hadith-là, c'est qu'en fait, le hadith lui parle de la femme qui passe devant toi. Elle, Aïcha, n'est pas passée devant le Nabi, elle était juste devant lui en sutra ou elle était dans sa direction. Dans celle qui passe devant toi, elle coupe ta salate. Donc Aïcha, elle a blâmé le sahabi qui a dit cette parole-là. Alors que le sahabi avait bien écouté le hadith. Je ne sais plus c'était quel sahabi. El Mouhim El Ankar, ou Omar, radiallahu anhu, a dit Ankar des paroles de sahaba, avant qu'il ne sache que ces paroles-là étaient les paroles du Nabi. Mais dès qu'il a su, dès qu'ils ont su, tout de suite ils ont accepté. Bila Shek. Et t'as des gens aujourd'hui, tu leur dis Dalil, oui, mais Wamalakin, ils discutent encore. Tu dis, Akhi, c'est un verset. Et le tafsir de verset, c'est telle chose. Ou c'est un hadith. Le hadith, c'est telle chose. Non, mais, il continue, non, mais. Khalas. Ça, c'est du jidel. Ça, c'est du kibl. Il ne veut pas accepter de reconnaître qu'il a eu tort. Il est un call, toujours cher à l'islam. Fainha ou la yakfuruna hatta tukum alim ul hujjab il risala. Kama kallahu ta'ala. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. Donc il dit la même chose, que on ne peut juger une personne de mécréant tant que la preuve ne l'a pas été accordée ou attribuée. Et que Allah a pardonné à cette umma l'erreur, c'est-à-dire involontaire, ainsi que l'oubli. Et ce dont elle était contrainte. Wa bihadha, donc là, c'est la fin du kalam de Cheikh Al-Islam dans Majmou' al-Fatawa. Wa bihadha ulima anna al-maqalata aw al-fi'la takun qad takunu kufran aw fiska. La yalzamu min dhalika an yakuna al-qa'im biha kafiran aw fasika. إما لانتفاء الشروط أو شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنعه منه. لكن من انتصب إلى غير الإسلام أعطي أحكام الكفار في الدنيا. Donc maintenant c'est pas toute parole ou toute action qui fait que celui qui l'aura commise ou prononcée sera kafir ou autre que cela. C'est pas obligatoire. Il faut qu'il y ait des shurouts, il faut que les empêchements soient absents, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Et il faut qu'il y ait un dalil. Par contre, celui qui n'est pas musulman, on n'attend pas de dire, ouais, il faut lui donner la preuve pour dire que c'est un kafir. Non, c'est un kafir. De base. D'accord ? En cette dunya, nous, on lui attribue quoi comme jugement ? Le jugement des gens du kouf. On en a parlé. Et après, fil akhira, amru illallah. S'il n'a pas eu la preuve, que Allah va l'éprouver, yom al-qiyama. Ça, c'est el fitra, comme on les appelle. Nous, en cette dunya, on dit que c'est un kafir. On n'enterre pas avec les muslimines. On ne fait pas la salade sur lui et réza les cas. ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها فإنه يستحق ما تقتضي تلك المخالفة من كفر أو فسق. Donc par contre, celui qui a eu la preuve, qui a vu la vérité mais qui persiste dans sa transgression, d'accord, pour une croyance qu'il a dans son cœur ou pour une personne qui suivrait et qu'il magnifierait, qu'il adule, ou alors pour la dunya qui aurait une grande influence sur lui, alors lui, on lui applique ce que ses agissements, quand même, impliquent. On lui applique sur lui. Donc sa vue, ça peut être la dunya. Ça peut être le fait de suivre quelqu'un. Ou ça peut être une croyance que dans ton cœur, ou d'autres choses encore. فَعَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْنِيَ مُعْتَقَدَهُ وَعِلْمَهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَسَلَمْ فَيَجْعَلُهُمَا مِمَامًا لَهُ يَسْتَضِي بِنُورِهِمَا وَيَسِيرَ عَلَى مِنْهَجِهِمَا فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Donc maintenant le musulman doit baser sa croyance et ses œuvres sur le kitab ou la sunna. Il doit en faire sa guidée et sa lumière sur laquelle il achemine. Et son minhaj, car c'est cela le chemin droit. Comme quand Allah Azzawajal dans le sens où il dit, et voici tel est mon chemin droit, suivez-le. Ne suivez pas les sentiers, car ils vous feraient dévier. D'accord, de son sentier. C'est ce que Allah vous exhorte, afin que vous puissiez craindre. Des fois, ça m'arrive, des fois, je traduis un verset ou un kalam d'un shir ou un hadith, et des fois, il se peut que ce soit un pluriel, moi, un singulier ou autre, ça, c'est sahl. Un shir, c'est le os du kalam. D'accord ? Parce que des fois, j'écoute l'audio, je vois dans le verset, Salen, Allah, il a employé un terme au singulier, et moi, dans la traduction, je dis au pluriel. Ça arrive, c'est parce que c'est une traduction est spontanée. Nous, on n'est pas comme ceux qui font un des par semaine ou deux par semaine, ils ont tendance de tout traduire. La traduction, nous, c'est Allah, Namshi, Hakaza. Donc, des fois, s'il y a un kalam comme ça, c'est ça, c'est Mayadur. Namshi, c'est que le os du kalam, il reste fidèle. Après, c'est un terme, tu l'as rendu singulier, c'est un pluriel ou quoi, mais que cette plurialité ou cette singulier n'engendre pas un jugement par rapport à ça en soi, bah, c'est pas grave, c'est pas dramatique. ثم قال وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده وعمله على مذهب معين فإنه رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه ومتعصفة. Donc la personne fasse attention qui ne bâtisse sa croyance ou ses œuvres sur un madhhab moyen, c'est-à-dire sur une vision restreinte moyenne particulière. Et que si jamais il voit un texte du Kitab de la Sunna qui s'oppose à la chose sur laquelle lui il est, il tente alors de détourner ce texte vers ce qui correspond avec ce sur quoi il est lui. Et ça, beaucoup de gens font cela. Ils ont une compréhension, ils ont une croyance avant d'avoir un istidlal, et dès que tu apprends la preuve, ils essaient de changer la preuve pour la rendre conforme à leur passion. Comme on dit, ils rentrent l'étoile dans le trou du rond. Ça rentre pas, ça va pas dedans. Ils tapent pour que ça rentre. On dit, ça rentre pas dedans, ça va pas là. Il veut quand même. Ces gens-là, ils s'égarent. Ils ne veulent pas accepter. Tu lui dis tel jugement, c'est parce que telle chose. Il dit telle chose, celui qui c'est une bid'a, tel sahabi l'a dit. Qu'est-ce que tu dis maintenant ? sait plus quoi dire. Après, il va dire, non, mais le hadith, il est faible, il va t'inventer des choses. Pourquoi ça coordonne avec ce que lui a dans son cœur? Est-ce que dans son cœur, il a eu avant de chercher la preuve? Car il a entendu quelqu'un le dire, ou il a dû... il a un ta'assoub, enfin, un attisse pour une personne qui a dit une parole, donc lui, il veut absolument que cette personne-là ait raison. Donc il suit. Il ne veut pas dire un tel, il a eu tort. Chir, mon chir, il a eu tort. Il ne veut pas le dire. وَيَجَّلُوا كِتَابُ وَسُنَّةَ تَابِعِينَ الْتَابِعَيْنَ لَمَتْبُعِينَ وَمَا سَوَاهُمَا إِمَامًا لَا تَابِعًا وَهَذِي الطَّرِيقِ مِنْ تُرُوكَ أَصْحَابِ الْهَوَى لَا أَتْبَاعِ الْهُدَى فَكَذَّمَ اللَّهُ هَذِي الطَّرِيقِ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ Il a dit maintenant, le kitab et le sunna, il faut que soit, tu les suives et ce ne soit pas eux de te suivre. D'accord ? Il faut que tu en sois eux tes guides et non pas toi, tu les fasses qu'ils te suivent. Et ça, c'est la voix de qui ? Des gens des passions. Et non pas des gens de la guider. Donc Allah Azawajal a blâmé ces gens-là. Cette voix-là, en disant que dans le sens, que si jamais le haq devait suivre les passions de ces gens-là, que les cieux et la terre auraient été corrompus. Et tout ce qui s'y trouve. Et qu'on leur a apporté leur rappel, mais cependant, ils se détournent de leur rappel. وَالنَّظِرُ فِي مَسَارِكَ النَّاسِ فِي هَذَا الْبَابِ يَرَى الْعَجْبِ العجاب ويعرف شدة افتقاره إلى ربه فهو جرى وهو حري أن يستجيب فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤاله ويقول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وجيب دعوة الداعي إذا دعان فلاستجيبوا لي ويؤمنوا بي donc maintenant celui qui a connu cela il se rend compte vraiment qu'il a besoin de son Seigneur et que son Seigneur lui répond à ses doigts sinon il va s'égarer. Dès la chèque, c'est une chose à bien méditer. Que ce soit le kitab, la sunna qui te guide et non pas le contraire. Et que tu le suives et non pas le contraire. Et tu ne suives pas les gens ou un tel, au détriment des kitab et de la sunna, sinon tu vas tomber dans quoi? Dans des choses. La tuhmad akibatuhum. Akibatuhum. Fanas'al Allah ta'ala an yaj'alana mimman yara al-haq haqqan wa tabi'ahu wa yara al-batil batilan wa ajtanabahu. Wa an yaj'alana hudatan. مهتدين والصلحاء مصلحين ولا يزيق قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا منه رحمة إنه الوهاب والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدي الأمة إلى الصراط العزيز الحميد بإذن ربهم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين انتهى. Et ce livre, il a été écrit en 1404. Ça fait 33 ans. T'as vu, également. Comme je t'ai dit, t'as vu, c'était en tout cas c'est simple. C'est surtout un BIN, une approche du livre. On n'est pas encore dans le temps facile. Un Meshir, on a compris le Matn et le Mourad du Kalem de Shir, ou Akaza. Fa'idha asabtu famin Allah, ou iza akhtatu famin nafsi ou min shaitan. On as'al Allah an yanfa'a lisan muslimin bimisad al-kitab. وبما قلنا وما سمعنا نقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك